durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons les nouvelles pratiques écologiques pour le bâti, ancien et nouveau. Nous sommes dans la Meuse, à Montier-sur-Sault, avec la directrice d'Écurey Pôle d'Avenir, qui met à disposition des professionnels du bâtiment une étonnante plateforme de formation à l'éco-rénovation et à l'éco-construction. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Ce qui est bien, en fait, c'est de avant, après. Oui, voilà. Amélie Deloire, bonjour. Bonjour. Amélie Deloire, la première chose qui frappe lorsque l'on pénètre dans ce grand hall, c'est qu'il abrite des maisons. Oui, tout à fait. C'est des maisons dans la maison, si on peut dire. Donc, vous êtes ici, en fait, dans la plateforme de formation en éco-rénovation du site Écurey Pôle d'Avenir. Donc, le site Écurey Pôle d'Avenir appartient à la communauté de communes des Portes de Meuse. C'est un site qui fait 9 hectares, ancienne friche industrielle en reconversion, puisqu'on était ici dans une usine, hein, dans une fonderie d'art et d'ornement, qui a fermé ses portes en 1985 et qui a été racheté et réhabilité par la communauté de communes. La réhabilitation s'est terminée en 2015. Et parmi cette réhabilitation, on est vraiment dans un projet de centre d'expérimentation du développement durable en milieu rural. Le thème de l'habitat a été vraiment très important au lancement du projet. Donc en fait, l'idée, c'était d'installer dans une ancienne halle de fonderie, hein, qui fait à peu près 1000 m2, pour vous donner une idée, une plateforme de formation dédiée au métier de l'isolation et de l'étanchéité à l'air. Amélie Deloire, l'intérieur évidemment a beaucoup évolué puisque c'est entièrement rénové, mais l'extérieur est quasiment d'époque. Il y a une plaque à l'entrée de la porte qui indique halle de fonderie 1882. Oui, c'est la halle de fonderie donc, qui avait été créée par la famille Salin, qui avait décidé de compléter en fait, la halle principale par un nouveau processus de seconde fusion. Et l'architecte a vraiment respecté en fait, le cachet du patrimoine du bâtiment, que ce soit les briques, que ce soit l'extérieur, que ce soit les fenêtres aussi, la charpente. Donc on est vraiment dans l'ancienne halle telle qu'elle était, sauf qu'elle est vide, bien sûr. Alors, pourquoi le choix de dédier l'intérieur dorénavant de ce bâtiment à Amélie Deloire uniquement à l'habitat? Parce qu'après tout, on y reviendra, le sujet du jour, c'est véritablement cette plateforme de formation en éco-rénovation. Je rappelle que nous sommes déjà venus il y a quelque temps pour parler d'une manière générale d'Écurey Pôle d'Avenir. Pourquoi avoir fait ce choix de consacrer cet espace uniquement à l'habitat? Parce qu'après tout, ça aurait pu être peut-être un autre choix. Alors en fait, au moment de la création du pôle d'excellence rurale, la communauté de communes et ses partenaires ont identifié plusieurs thèmes, à la fois la culture, l'agriculture, mais aussi l'habitat. Et en fait, le constat qui a été fait, c'était de se dire, on est dans une région où le parc immobilier, le bâti ancien vraiment, donc qu'on situe avant 45, est très important. Et on constate que les maisons ne sont pas forcément rénovées, ou quand elles le sont, qu'elles ne sont pas forcément bien rénovées. Donc en fait, il y avait un gros besoin de formation de toute la filière du bâtiment sur comment on rénove un bâti ancien, quels matériaux on peut y mettre, quelles nouvelles techniques. Et l'objectif, c'était bien sûr de répondre aux nouvelles normes, nouvelles réglementations, et aussi d'utiliser des matériaux le plus sains possible, le plus naturel possible, et de pouvoir réduire aussi, bien sûr, les coûts d'énergie, notamment les coûts de chauffage, par des pièces le plus étanches possible et bien ventilées. Alors, c'est vrai que les entreprises, souvent même avec bonne volonté, sont bien sûr disposées à faire les travaux de rénovation qu'on leur commande, mais ne sont peut-être pas toujours au fait précisément de notamment ces nouveaux matériaux, Amélie Deloire. Oui, en fait, y a beaucoup de choses qui évoluent, à la fois les techniques, la réglementation, ça c'est très important. Il y a eu la RT 2012, là il y a la RT 2018 qui va sortir, donc tout évolue. Alors c'est valable surtout pour la construction, mais on sait que ça arrivera aussi en rénovation. Et puis il y a, comme vous dites, effectivement tous les nouveaux matériaux, alors qu'ils ne sont pas forcément nouveaux d'ailleurs, hein, mais on revient parfois à des choses assez traditionnelles, c'est ça aussi le paradoxe. Et puis il y a tout ce qu'on appelle les matériaux recyclés ou matériaux biosourcés, dont type laine de bois par exemple, coton recyclé, que les artisans en fait n'ont pas du tout pour habitude tout simplement de connaître. Donc ils ont peut-être pas de... même se sont un peu désintéressés, voire on peut moquer, voire bouder ces matériaux parce que écologiques au départ. C'était surtout une habitude, je pense, d'utiliser les matériaux type polystyrène, laine de verre, qui étaient faciles à trouver, qui étaient peu chers, mais dont maintenant on sait quand même avec le recul qu'ils ne sont pas très sains et qu'ils n'ont pas toujours une durée de vie énorme. Après, ce qu'on dit nous en formation aussi beaucoup, enfin ce que les formateurs disent, c'est qu'on n'est pas des extrémistes des biosourcés. Surtout, ce qui est très important, c'est que l'artisan puisse adapter le matériau aux bâtis qu'ils trouvent. Donc il y a des bâtis, par exemple, des années 70 en aglo, sur lesquels vous pouvez poser du polystyrène, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous allez mettre ça sur une maison du 19e siècle qui a certaines particularités, bah, là, c'est très dommage. Donc en fait, ce qu'on apprend aussi en formation, c'est à faire un diagnostic du bâti ancien et à trouver le matériau qui est le plus adapté. Et puis ensuite, il y a un facteur qui n'est pas négligeable non plus, c'est savoir convaincre le client, puisque c'est lui quand même qui va payer la facture. Donc il faut arriver à lui présenter ses matériaux, à lui expliquer le coût et aussi les avantages, surtout sur le long terme, parce qu'il y a le coût immédiat. Alors, et puis, il faut convaincre le client, mais aussi le chef d'entreprise, on y reviendra. Mm-hmm. On va bien sûr parcourir ces 1000 m² avec vous à Amélie-des-Loirs, visiter ces différentes petites maisonnettes, véritables petites maisonnettes ici présentes dans ce hall. Mais préalablement, je voudrais savoir quel est le public qui vient ici profiter de cet espace de formation. Alors, pour l'instant, on est majoritairement sur un public professionnel, donc artisans, entreprises, en formation continue. Donc en fait, ce sont des entreprises, donc soit des chefs d'entreprise, soit des poseurs. On a à peu près 75% de nos stagiaires qui sont des poseurs, des ouvriers. Dans des métiers très différents, donc plâtrier, plaquiste, menuisier, chauffagiste, électricien. Et ils viennent essentiellement, pour l'instant, de Meuse et de Haute-Marne. Apprendre les bons gestes d'abord, c'est l'avantage aussi surtout de cette plateforme de formation Amélie-des-Loirs. Tout à fait, s'il y a vraiment une chose à retenir ici, c'est vraiment l'apprentissage par le geste. Les modules pédagogiques qui ont été installés dans cette grande halle sont vraiment là pour ça. Il y a toujours une petite partie théorique bien sûr dans les formations, mais l'apprentissage technique est fondamental et c'est pour ça que les concepteurs ont voulu y inclure vraiment des conditions réelles proches des chantiers en fait. C'était vraiment le plus important. D'où la présence des maisons, des parois, des toitures, etc. Voilà. Pour autant, Amélie-des-Loirs, les entreprises ne sont absolument pas contraintes de ces formations. Certains peuvent continuer, comme vous le disiez, à utiliser peut-être du polystyrène et de la laine de verre. Quelle est la motivation des entreprises qui viennent profiter de ces formations ici ? Alors la motivation, je dirais, c'est d'être un petit peu avant-gardiste et de se dire, là, on est en train de louper un coche quand même. Peut-être pas dans un an, peut-être pas dans deux ans, mais dans 10 ans, ça sera des matériaux que tout le monde devra utiliser. Les réglementations aussi vont changer. Ce qui peut aussi les motiver, c'est la peur du sinistre. Parce que quand on utilise un mauvais matériau ou qu'on pose un matériel de façon erronée, bah, après, il y a le sinistre. Donc pour une entreprise, c'est catastrophique. Donc voilà, je pense cette volonté vraiment d'être en avant, de respecter aussi les normes. Mais c'est vrai que c'est pas facile, il faut encourager quand même ces formations et puis essayer de récompenser aussi, de faire connaître les entreprises qui font l'effort de venir se former. Alors cette plateforme de formation en éco-rénovation ici à Écureuil pour l'avenir, Amélie-des-Loirs accueille des entreprises ou en tout cas offre cet équipement aux entreprises. Pardonnez la brutalité de ma question, est-ce que ça fonctionne ? Alors tout à fait, depuis la labellisation Praxibat, hein, qui est une labellisation d'État accordée par l'ADEME sur la qualité des infrastructures, on a eu donc maintenant un an et demi de recul en fait hein, sur notre travail. En 2017, on a 150 stagiaires qui sont venus se former, essentiellement sur des modules de 3 jours, à la fois sur de l'isolation par l'intérieur, isolation par l'extérieur, pose d'ouvrant en rénovation. Et puis en 2018, on va largement dépasser les chiffres, puisque en termes de fréquentation, on a quasiment atteint ça en 6-7 mois. Donc voilà, ça continue et ça fait, le bouche à oreille fonctionne et la plupart des organismes et des entreprises vraiment repartent en étant très satisfaits et avec vraiment un outil unique. Alors, je suis une entreprise de bâtiment, par exemple, je ne sais pas, d'isolation. Je veux me former ici à Écuré pour l'avenir au sein de cette plateforme. Comment je m'y prends? Auprès de qui je m'adresse? Et puis, combien ça va me coûter? Alors, en fait, il y a plusieurs canaux d'information. Il y a bien sûr s'adresser à nous, à Écuré Pôle d'Avenir. Selon le métier de cette personne, selon ce qui l'intéresse, on la redirigera en fait vers les organismes de formation qui portent les sessions de formation. Ensuite, le deuxième canal très important, c'est les fédérations professionnelles. Donc, pour ceux qui sont affiliés, CAPEB, FFB, c'est vraiment les interlocuteurs privilégiés pour les formations. Et ensuite, alors ça dépend vraiment du type de formation, de la prise en charge, des organismes de branche, etc. Mais il faut compter en moyenne, hein, c'est vraiment une moyenne, pour une entreprise qui vient se former sur un module, on est autour de 400 euros la formation. Je propose qu'on aille se promener dans ce village de maisons en rénovation avec vous, Amélie Desloires. J'ai rêvé de temples, pyramides, splendeur sous le ciel du vieil Orient. 200 000 hommes nus et humides, dans la sueur, le travail et le sang. Maître ouvrier ou homme de peine, avait-il la couleur de l'ébène, ou la peau foncée d'un Nubien, était-il cuivré comme un Libyen? Compagnon, j'ai songé à mes frères, avec leurs espoirs et leurs souffrances. Compagnons, leur cœur meurtri espère. Amour, fraternité, connaissance. Mais leur foi était-elle sincère dans ce désert de sable brûlant? Croyaient-ils vraiment à ce mystère? Pliaient-ils sous le joug du tyran? Tous ces tombeaux bâtis gigantesques pour tes petits demi-dieux dantesques, fils de radieux aimés ou haïs, couverts des pierres du Sinaï. Fraternité, connaissance. Se sont écoulés 40 siècles. Aujourd'hui, pour qui travailles-tu? Écoutes-tu la voix des oracles? Satisfais-tu encore aux vertus? En espérant parfois le miracle, quel pharaon demeure au pinacle? Qui sont tes maîtres ou tes tyrans? Se nomment-ils pouvoir? Durablement vôtre, Eric Mutchler. J'ai songé à mes frères, avec leurs espoirs et leurs souffrances. Compagnons, leur cœur meurtri espère. Amour, fraternité, connaissance. S'il faut cependant choisir ses chaînes, le premier maillon est liberté. Elle n'est pas au pied de ton chêne, mais en servant libre ton métier. Vois plus loin que la seule science. Nous sommes toujours avec Amélie Desloires, directrice d'Écuré Pôle d'Avenir. C'est tout près de Montier-sur-Sault, en Meuse. Ici, à la découverte de cette plateforme de formation en éco-rénovation. Est-ce qu'on peut imaginer, Amélie Desloires, qu'un jour, le particulier puisse venir se former, apprendre, découvrir par lui-même? Oui, alors c'est tout à fait possible. C'est une cible qui est pour l'instant minoritaire pour nous parce qu'on privilégie vraiment la formation continue professionnelle et qu'on travaille avec des partenaires comme les fédérations professionnelles pour qui bah, les autoconstructeurs ne sont pas une cible, on va dire, privilégiée. Mais on a toujours eu en tête un jour de pouvoir proposer des stages ou des chantiers participatifs où on apprend à faire un mélange chaux-chanvre ou une isolation en paille. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer. Ça ne deviendra pas le cœur de notre activité, très clairement, mais on aimerait bien quand même lancer cette proposition. Vous signez, Amélie Deloire, je serai votre premier client. Très bien. Alors, je disais tout à l'heure qu'on va découvrir cet espace avec vous, Amélie Deloire, divisé en trois parties, c'est ça ? Voilà, donc là on se trouve dans la première partie qu'on appelle nous un atelier évolutif, tout simplement comme son nom l'indique. En fait, on y construit, on y ajoute des modules de formation en fonction des besoins qu'on identifie sur le terrain. Donc le premier module, ça a été un Z en fait, en béton cellulaire et ossature bois, qu'on a réalisé pour des formations pour la société Pavatex qui fait de la fibre de bois. Et on a formé une trentaine d'artisans de Meuse et de Haute-Marne à poser justement cette fibre de bois en isolation par l'extérieur. Alors pour ça, vous parlez de modules, Amélie Deloire, en fait ce sont des carrés de 4 mètres sur 4 à peu près, 3 mètres sur 4, avec des constructions, on pourrait dire un cube d'agglo avec différents matériaux. Et là-dessus, les poseurs notamment, j'imagine, viennent, comme vous disiez tout à l'heure, apprendre le bon geste. Voilà, exactement. Donc là, les deux modules que vous citez, ce sont des modules consacrés à la pose d'ouvrants en rénovation, puisqu'on s'est aperçu, là aussi en partenariat avec les Compagnons du Devoir, notamment, qu'il y avait un gros besoin de formation sur le sujet. Et donc ces cubes, en fait, on a de l'ossature bois, on a de l'aglo, servent à des formations de 3 jours très pratiques, où les menuisiers, essentiellement du secteur, viennent apprendre à poser des fenêtres dans un contexte particulier de rénovation. Et surtout, ils apprennent aussi, ils perfectionnent leur technique d'étanchéité à l'air. Ça, c'est très important. Et il y a énormément de nouveaux produits d'étanchéité à l'air, comme des adhésifs, par exemple, que les entreprises ne connaissent pas forcément. Et comme certains produits, comme la mousse polyuréthane, sont interdits, maintenant, il faut former les artisans à ces nouveaux produits. Et vous leur fournissez également, Amélie Deloire, l'ensemble du matériel, ou est-ce qu'ils viennent avec leur fourchette et leur couteau ? Non, ils viennent avec leur tenue de travail, leurs chaussures de sécurité. Et nous, on fournit à la fois l'outillage de base qu'on a sur le site, qui sert à plusieurs types de formations. Et selon les types de formations, on a aussi toute une liste de consommables qui complètent en fait le matériel à leur disposition. Alors ça, c'était le premier espace. On va aller progressivement vers le deuxième espace, dans ce hall de 1882, forcément rénové de l'intérieur. Éco-rénovation, Amélie Deloire, pour le coup. Oui, en fait, on a travaillé avec les entreprises du secteur. On a également eu des lots en insertion. Et puis on a utilisé dès qu'on pouvait pour l'isolation, alors pas forcément dans cette halle, elle n'est pas isolée, mais on a utilisé beaucoup de fibres de bois, et il y a eu un gros effort qui a été fait dans plusieurs parties du site pour labelliser les espaces bâtiments basse consommation. Donc c'est des bâtiments qui sont très étanches, et puis il y a eu un gros travail aussi fait sur la ventilation, puisqu'un bâtiment très étanche, il faut par contre bien le ventiler. Eh bien oui, forcément. Où sommes-nous cette fois-ci, Amélie Deloire, deuxième espace ? Alors là, on est vraiment dans le cœur du module labellisé Praxibat, paroi opaque. Donc on est sur un module consacré à l'isolation par l'intérieur. Là, il faut imaginer que vous êtes à l'intérieur de la maison. Et donc on a un totem. Oui, d'ailleurs, ça se voit, les fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur. Voilà, donc on a un totem en fait en croix avec 4 matériaux. On a essayé bien sûr de choisir des matériaux typiques du coin. Donc on a du moellon, de la brique, du parpaing et du colombage bois. Et en fait, ici, les stagiaires apprennent à découper, poser les isolants dans les bardages en bois que vous voyez. Ensuite, le deuxième jour, ils posent tous les produits d'étanchéité à l'air, donc essentiellement des grandes membranes avec des adhésifs. Et le troisième jour, en fait, ils utilisent le trou que vous voyez sur le côté pour souffler de l'air ou de la fumée à l'intérieur du caisson. Et on voit si c'est bien isolé. Et voilà, on voit surtout si ça ne fuit pas. Donc en fait, ça se met en surpression, la membrane se gonfle et on voit s'il y a des fuites d'air. Et donc, on peut repérer là où on a mal réalisé les scotch. Alors notamment. On comprend bien la démarche d'isolation, Amélie Deloire, mais en même temps, la pierre, le moellon, notamment ici ce contour de porte, c'est très beau, ça disparaît ça après lorsqu'on isole. Alors là, on est en isolation par l'intérieur. Hein, donc après, c'est vraiment au choix de chaque occupant d'une maison d'en faire ce qu'il veut. Après, on a aussi d'autres modules qui permettent d'isoler à l'extérieur. Ça, c'est vraiment la proposition de l'architecte ou de l'artisan, de s'adapter au bâti, à la surface aussi disponible à l'intérieur et de se dire quelle est la bonne solution. Est-ce qu'on isole par l'intérieur? Est-ce qu'on isole par l'extérieur? Etc. Alors, vous disiez tout à l'heure, Amélie Desloirs, que il fallait que les entreprises, évidemment, lorsqu'elles sont convaincues et lorsqu'elles ont convaincu leurs collaboratrices et collaborateurs, d'ailleurs j'imagine surtout les collaborateurs, donc beaucoup d'hommes. Au 95%. Voilà, il y a encore du travail dans le bâtiment. Doivent convaincre bien sûr leurs clients, notamment non seulement sur les matériaux mais aussi le prix. Est-ce que lorsque les entreprises sont en formation ici, cet aspect prix est étudié? Parce que j'imagine que lorsque, évidemment, on isole, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on s'y retrouve, mais peut-être un peu sur le temps. Oui, en fait, le formateur essaie toujours d'aborder ce point-là. Alors, c'est pas la majorité du temps qui est consacré à ça, mais il essaye de l'aborder et il essaye notamment de faire deux choses, c'est-à-dire de consacrer toujours d'avoir en perspective le long terme, parce que certes, un produit peut être peut-être moins cher sur le court terme, mais si au bout de 5 ans il est complètement ravagé, c'est un autre calcul à faire. Donc le long terme est très important. Et ensuite, on essaye aussi beaucoup de montrer que dans tous les produits, qu'ils soient recyclés ou biosourcés, il y a différentes gammes de prix. Donc c'est comme dans d'autres produits, on peut très bien viser dans le haut de gamme, mais il y a aussi de plus en plus de produits qui se sont démocratisés et où finalement les prix ne sont pas aussi chers qu'on ne peut le penser. Pour essayer de faire comprendre à nos auditeurs ce que nous avons nous devant les yeux, je pensais en vous écoutant, Amélie Desloirs, que je pensais au centre au parc d'attractions. Alors évidemment, on peut viser très haut, imaginer Las Vegas, mais voilà, c'est un peu l'esprit. On imagine ici 3 tables, une chaise et puis un arbre, forcément en plastique malheureusement, et un peu d'éclairage, et on est à la maison, quoi. On est sur la terrasse. C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser, parce que ça permet vraiment de visualiser la taille. Ce sont des véritables maisons dans lesquelles on pourrait habiter. Ouais. Voilà, c'est pas du tout l'objet pour l'instant de créer un parc d'attractions. On va aller avec vous, Amélie Desloirs, dans le troisième espace de cette plateforme de formation en éco-rénovation. Qu'est-ce que les artisans retiennent du travail qu'ils font ici? Vous voyez, quand je parle de parc d'attractions, on est en conditions réelles. Les tables et les chaises, et puis on pourrait boire un verre sur la terrasse. Alors, ce qu'ils retiennent en général, c'est vraiment la découverte de nouveaux matériaux. Alors, dans les formations en isolation, c'est beaucoup les nouveaux produits d'étanchéité, membranes, adhésifs. Ils découvrent aussi des nouveaux isolants, puisqu'ils connaissent beaucoup la laine de verre, mais ils connaissent peu les autres isolants, donc textiles recyclés, fibres de bois, ouates de cellulose, etc. Et puis, ils travaillent également rarement avec du bardage bois, ils travaillent plutôt sur des rails métalliques. Donc là, on les fait aussi travailler sur un nouveau matériau. Et la satisfaction en général des stagiaires vient vraiment de cette découverte. Et également, un point qui est important, c'est l'échange avec des collègues. Ils ont peu l'occasion, en fait, de rencontrer d'autres entrepreneurs, et du coup ils discutent un peu sur leurs techniques, ce qu'ils utilisent, donc entre eux et avec le formateur, et ça crée vraiment des échanges. Et parfois j'en ai vu s'échanger des cartes de visite en disant tiens, si t'as un chantier et que t'as pas assez de monde, appelle-moi. Enfin, ça marche bien. On vient de passer devant un important stock de polystyrène. C'est pas très éco-construction, ça, Amélie Desloirs? Non, pas très. Nous, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des extrémistes du biosourcé. On essaie d'abord de faire en sorte que les poseurs puissent bien poser ce qu'ils ont l'habitude de poser. Donc, on fait aussi des formations en utilisant ce matériau. Et par contre, on les fait tourner sur plusieurs modules pour qu'ils découvrent aussi d'autres matériaux. Alors non, effectivement, le polystyrène n'est pas le produit le plus écologique, mais on a vraiment à cœur de former les artisans aussi sur ce qu'ils font. Il ne faut pas non plus vivre dans un monde idéal et former des gens à ce qu'ils ne posent pas. On les forme donc à bien poser déjà ce qu'ils utilisent. Et en plus, par contre, on les fait tourner sur différents modules pour qu'ils puissent poser d'autres isolants. Donc on revient là aussi à la fibre de bois, au bardage bois. Et nous arrivons tout doucement à cette troisième espace. On est monté par la 131 Nord, faire 40 000 sur des chemins en garnotte. Sur le bord en arrière, les frères Talbot dormaient comme des marmottes. pendant qu'on cherchait Jacques à mon oncle Hector. Une vieille baraque avec le toit défoncé, pour une tuileau d'insectes pis de toile d'araignée. S'appelait Roger. Fait qu'on y a dit, viens donc trinquer dans la cuisine. Pas de mieux qu'une grosse bière puis une bonne plotée de pile. On a mangé en silence devant le calendrier de femme tout nue. Miss January qui nous montrait son cul. Elle va être bonne à soir dans chaque gang d'or. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Terminons cette promenade au sein de la plateforme de formation en éco-construction avec vous, Amélie Deloire. Vous êtes la directrice d'Écureuil Pôle d'Avenir. C'est à Écureuil, juste à côté de Montier-sur-Sault, en Meuse. Alors, quand je parlais tout à l'heure de Partax Action, pardonnez-moi, mais ça me fait vraiment penser à ça. Là, pour le coup, on y est, puisque c'est une vraie maison d'habitation, reconstruite en tout cas dans ce hall, ancienne fonderie de 1882. Voilà, en fait, ce module est vraiment une maison à échelle 1. Elle fait 100 mètres carrés. La cheminée touche presque les néons. Oui, exactement. Et on est là donc sur un module qu'on utilise pour l'isolation par l'extérieur, qu'on peut utiliser aussi pour des modules de plus longue durée que les modules que vous avez vus précédemment, et qu'on a équipé très récemment en partenariat avec l'organisme Afolor, deux modules dédiés à la ventilation performante en rénovation. Et ça, c'est une session qui est inédite. On vient d'en lancer une première session et on en aura une deuxième au mois de juin. Et il y a un gros enjeu, puisque la pose des VMC dans les maisons conduit de plus en plus souvent à des sinistres. Donc il y a un gros besoin de formation sur le sujet. Alors, c'est une véritable maison en moellon, mmh. avec les gouttières, la cheminée. On ira faire, bien sûr, un tour à l'intérieur. Est-ce que vous mesurez déjà aujourd'hui, Amélie Desloires, un impact de cette plateforme en éco-rénovation sur le patrimoine local, à proximité immédiate peut-être des curés, ou un peu plus loin? Alors, on retrouve effectivement les quatre mêmes matériaux qu'on a cités précédemment. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu 150 stagiaires qui sont venus l'année dernière. Donc, le retour d'expérience est encore un peu court. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans notre partenariat avec EDF, qui commandite un certain nombre des sessions, on a un suivi puisque, en fait, sur les chantiers RBC, on a la possibilité de voir la mise en œuvre directe des techniques de formation. Et du coup, les partenaires de la communauté de communes et des curés Pôle d'Avenir sont très attentifs au fait de suivre vraiment en condition et de se demander si les stagiaires qui ont appris toutes ces techniques, s'ils vont les mettre en place et s'ils ne le font pas, quels sont encore les freins à lever. Alors peut-être un des freins, je vous le donne, ça me dit Desloires, c'est cadeau. Peut-être que justement les particuliers comme moi, au reste, lorsqu'on découvre un tel espace, bien qu'on ne soit pas un professionnel, mais peut-être un propriétaire de maison, on se dit, mais parce qu'on voit bien sûr des vidéos parfois sur les sites, mais rien ne vaut la prise de contact réel en se disant, mais tout ceci est faisable, peut-être que des journées portes ouvertes aux particuliers pourraient leur donner des idées et leur donner envie de faire appel à des artisans qui, pourquoi pas, sont passés par votre plateforme de formation en éco-rénovation. Oui, on a réalisé l'an dernier, en octobre, une journée qu'on a appelée les Festinergies, qui était organisée par le Pays Barrois sur plusieurs sites du sud meusien. Et le but, c'était vraiment de faire découvrir cette plateforme et de donner une appétence, en fait, pour ces nouveaux produits, ces nouvelles techniques. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un axe très important à continuer en direction du particulier, puisqu'en fait, c'est forcément notre cible après, puisqu'il faut que les artisans travaillent pour des particuliers. Et oui, c'est les commandes. Ouais. On va la visiter, cette maison. Oui, avec plaisir. Amélie Desloires, quelle surface? 100 mètres carrés. Oui, c'est une vraie maison d'habitation. Voilà, donc on retrouve les quatre matériaux cités tout à l'heure et on retrouve beaucoup de points singuliers en fait qui servent de support à des formations. Donc on a mis des conduites cheminées, on a mis des pas de porte, on a mis différents types de toitures, on a des ouvrants de différentes de tailles, on a un œil de bœuf, on a un Velux. Donc l'idée c'était vraiment de retrouver là aussi des conditions réelles de chantier pour les stagiaires. Et puis là, vous voyez les nouveaux modules VMC, donc tout juste installés, qui ont servi il y a à peine 2 semaines. En réalité, là aussi, pour bien s'imaginer, c'est une maison en construction. Voilà, on peut imaginer une maison en chantier et on arrive là. Le chantier est particulièrement propre, hein, il faut dire là. Oui, quand même. Le ménage a été fait. Oui, les stagiaires, à la fin de la formation, nettoient. Et puis nous, par contre, on démonte, puisque pour recommencer une nouvelle session, il faut démonter ce qui a été monté. Ça, c'est toujours le drame des stagiaires qui font, par exemple, des chapes béton, hein, qui, évidemment, oui. après le stage, on va la démonter. Amélie Desloires, nous sommes ici en Meuse. On parle beaucoup d'éco-rénovation, de patrimoine. Mais quand on dit la Meuse, on pense aussi à Bure, non ? On peut penser à Bure si on veut, oui, bien sûr. Nous, l'objectif de la communauté de communes, de ses partenaires, et puis maintenant de l'association Écurie Pôle d'Avenir, qui a pour mission d'animer ce lieu, c'est d'en faire un lieu de référence, vraiment un lieu exemplaire, je dirais, innovant. On est vraiment ici dans un lieu où on est sans cesse en train d'imaginer des nouvelles activités pour essayer de répondre aux défis environnementaux, mais aussi sociaux. Hein. On est dans une région qui est assez sinistrée économiquement, où il y a beaucoup de pertes d'emplois, des gens en difficulté. Donc l'idée, c'était vraiment qu'Écureuil puisse, en toute modestie, rayonner un minimum et puis attirer du monde. Pardonnez-moi, mais c'est le cas de le dire. Oui. Et attirer du monde à la fois par l'axe culturel, l'axe touristique et l'axe formation. On est un axe très important puisque on voit maintenant que les regards se braquent de plus en plus sur ce site comme un outil vraiment de référence, au moins dans le Grand Est. Alors, ma question ne portait pas évidemment sur le site en lui-même parce que je trouve la démarche extraordinaire, mais sur une forme de paradoxe qu'il y a entre le fait de en raison même de la présence de la poubelle, du projet de poubelle nucléaire de Bure, Cigéo, qui change de nom régulièrement pour noyer le poisson, porté par l'Andra, et puis un projet de rénovation patrimoniale. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe quelque part à Midi-des-Loirs ? Si, si vous voulez, après le... Je crois que je veux bien. Ah, oui, si. Après, à chacun de faire le tri et de choisir ses motivations et de... Ma question vous met mal à l'aise ? Non, mais moi, mon travail, c'est de faire en sorte que le site d'Écureuil se développe et puis ça s'arrête là, quoi. Pour autant, beaucoup, beaucoup de maisons à vendre autour de Montier-sur-Sault, alors qu'il y a effectivement un patrimoine architectural encore très beau et très riche. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le secteur à Midi-des-Loirs ? Bon, en fait, je crois que comme dans beaucoup de campagnes, le principal problème, c'est le manque d'emploi. Moi, je le vois en tant qu'employeur, en tant que recruteur. Quand je fais des offres de recrutement, il y a énormément de candidats, des gens au chômage de longue durée. Donc, je vois vraiment que c'est difficile hein, dans le secteur. Il n'y a pas beaucoup d'employeurs et les employeurs qui existaient historiques ferment de plus en plus. Donc, il y a des gens qui partent en ville, forcément, chercher du travail. Après, il y a quand même un certain renouveau par de nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire, ce qu'on peut appeler les néo-ruraux, mais peu importe. Et puis, il y a des villages qui s'en sortent très bien. Alors, selon leur localisation géographique aussi, par rapport aux axes routiers, selon aussi les politiques communales hein, de rénovation, d'attractivité, il y en a qui s'en sortent bien. Mais c'est sûr je pense que le manque d'emploi est le principal frein à venir s'installer, à moins de découvrir des nouvelles formes de travail, de production, tout est inventé. Et en même temps, le collège de Montier-sur-Sault ferme ses portes, tout ça entraîne une forme de cercle vicieux. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, au contraire, et votre plateforme d'éco-rénovation est presque un contre-exemple, ou en tout cas un exemple de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire imaginer un mode de développement qui, au contraire, ne fait pas la part belle uniquement aux villes et aux centres urbains, mais aussi à la campagne. Est-ce que là encore, je reviens bien sûr sur Bure, est-ce qu'on ne va pas là aussi favoriser, provoquer, accentuer, accélérer ce phénomène de désertification à Midi-des-Loirs ? Après, je pense que chacun voit la campagne, ce qu'il a envie d'y trouver. Moi, j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient quand même installées récemment, qui trouvent une qualité de vie qu'ils avaient nulle part ailleurs. Mais c'est sûr que sans une politique forte d'accès aux écoles, d'accès à l'emploi et d'accès à des services aussi, à des commerces, à des médecins aussi, parce qu'on ne parle pas beaucoup de ça, mais c'est vrai que vous voulez prendre un rendez-vous ici, c'est un an hein, chez un spécialiste. Donc, c'est sûr que sans une politique volontariste d'installer tout ça, bon, il est peu probable que des gens viennent s'installer dans le secteur. En tout cas, ils pourraient venir s'installer dans cette maison. Alors, on peut accueillir, on peut faire refuge. Au sein même de la plateforme de formation d'éco-rénovation, comment vous voyez les choses d'ici, dans les années à venir à Midi-des-Loirs ? Est-ce que on peut espérer que tout le travail que vous avez engagé ici porte ses fruits, puis c'est évidemment ce qu'on vous souhaite, et que nos concitoyens prennent conscience de la valeur de leur patrimoine architectural et bâti. Oui, en tout cas, on œuvre vraiment pour, mais une fois de plus, si la plateforme marche, c'est un travail vraiment de réseau, de partenariat, donc nous, tout seuls, on n'y arrivera pas, mais c'est sûr que si les écoles, les lycées professionnels, les fédérations et tous les partenaires autour, les collectivités aussi, bien sûr, s'en emparent, là, l'effet des multiplicateurs peut être très important. Enfin, j'ai ma maison, j'ai mon jardin, mon chat, mon chien et ma barrière. Je l'ai enfin, mon coin de terre, mes quatre pommiers et mon cerisier. Enfin, j'ai ma maison, mon coin de bleu, mon coin du feu, mon coin de rivière. Et je vis ma vie à crédit. Y a le maçon, le plombier, le menuisier, les factures et les murs à refaire. Mais c'est oublié, c'est classé, c'est payé pour rêver. Enfin, j'ai ma maison, je prends prends mon bain tous les matins dans ma baignoire. Je n'arrive pas à y croire. Même les robinets ont l'air de marcher. Enfin, j'ai ma maison, j'ai mon sofa, ma véranda, mon verre de bière. Je vis ma vie à l'heure solaire. Et mieux que tout ça, tu es là. J'y ferai ma vie avec toi. De bâtir quatre chambres de plus. Enfin, j'ai ma maison, j'ai mon jardin, mon chat, mon chien et ma barrière. Je suis devenu propriétaire. Et mieux que tout ça, tu es là. Et mieux que tout ça, tu es là. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Amélie Deloire, vous êtes la directrice des curés Pôle d'Avenir ici à Montier-sur-Sauce, c'est en Meuse. On vient de visiter la plateforme de formation en éco-rénovation. Vous en parlez comme d'une spécialiste, vous avez un diplôme universitaire en bâtiment. Non, formation sur le tas avec mes collègues formateurs et autres partenaires. Alors comment devient-on pour le coup directrice d'Écurie Pôle d'Avenir et notamment donc de cette plateforme de formation d'écurie et rénovation? Alors le parcours qui m'a amenée ici, il est d'abord personnel puisque je suis mariée à un Meusien donc qui habite dans un petit village à 3 km d'ici, donc on est locaux maintenant. Ensuite, moi j'ai une formation très généraliste hein, puisque j'ai fait une école de commerce et un master à Sciences Po Paris, donc j'étais plutôt dans les affaires internationales et la géopolitique. Et ensuite, j'ai travaillé quelques années à Paris en tant que consultante en organisation. Et puis, quand j'en ai eu marre à la fois du travail et de la vie parisienne, j'ai voyagé en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Je me suis installée 2 ans en Palestine pour travailler dans une association. Et puis, je suis rentrée donc, en France il y a 4 ans à la naissance de mon premier enfant. Et qu'est-ce que vous gardez à la fois de votre formation en commerce international, parce que j'imagine que c'est pas forcément tous les jours que vous la mettez en œuvre, ces acquis, et puis de vos voyages dans le monde, Amélie Deloire, est-ce que ces expériences marquent ici Écurie Pôle d'Avenir? Oui, alors à la fois sur mon ancien métier, ma formation, ce qui me sert beaucoup, c'est tout ce que j'ai appris en organisation, en coordination, puisque mon rôle ici, c'est ça. Hein, je ne suis pas technicienne ni en agriculture, ni en spectacle vivant. C'est vraiment d'être facilitatrice, d'être la graisse dans les rouages, on va dire, vraiment de faire en sorte que la musique se mette en place. Ensuite, de mes voyages, je dirais que c'est plus une attitude sereine, on va dire, puisque effectivement j'ai vu des choses un peu parfois difficiles, alors sans faire de dramatisation, mais des contextes, on va dire, beaucoup plus difficiles qu'ici, en tout cas politiquement. Donc j'ai aussi un certain recul qui me fait dire que même quand on a des difficultés, ben, personne n'est mort. Hein. Globalement, je sauve pas des vies. Donc il faut avoir aussi pas mal de recul et de hauteur pour trouver des solutions, puisque toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, on trouve toujours des solutions du moment qu'on dialogue, quoi. Et puis toutes ces réalisations ici à Écurie Pôle d'Avenir, Amélie Deloire, vous n'avez pas des fois envie que les choses aillent encore plus vite, que les gens viennent vous voir? On va pas revenir sur Bure, hein, on l'a déjà dit, on a compris votre point de vue et on le respecte, même si on ne le partage pas. Pour autant, est-ce que cette réalisation ici à Écurie Pôle d'Avenir ne mériterait pas d'être encore davantage connue, fonctionner, être peut-être encore plus vivante qu'elle ne l'est déjà? Alors moi personnellement, je trouve qu'en 3 ans, le développement est déjà spectaculaire. On est quand même passé, on a eu 9000 visiteurs l'an dernier. On est passé de 1 à 8 salariés. Donc pour moi, en termes d'organisation, ça peut pas aller plus vite. Par contre, ce qui est très encourageant, c'est qu'on voit que des partenaires à la fois privés et institutionnels, le département, la région, mais aussi d'autres départements, d'autres régions, nous renvoient en fait une image très positive, plus qu'en local même. Et ça, c'est très encourageant parce qu'on se dit oui, on tient là quand même quelque chose de très bien. Mais il ne faut pas, je pense, non plus mettre la charrue avant les bœufs. On a beaucoup grandi. Il faut bien stabiliser ce qu'on fait déjà et puis grandir petit à petit. Petit à petit, en même temps, on va revenir sur cette plateforme d'éco-formation à Midi-des-Loirs. Lorsque les poseurs, les chefs d'entreprise découvrent ici des matériaux nouveaux, déjà j'imagine qu'il y a un choc culturel, est-ce qu'ils repartent aussi avec une réflexion grandissante sur précisément l'impact des matériaux sur l'environnement, peut-être aussi par là même sur leur propre mode de vie, sur leur alimentation par exemple, j'évoque bien sûr le bio. Est-ce qu'on peut passer comme ça du polystyrène à l'alimentation bio en passant par chez vous ? Alors ce qui est sûr, c'est qu'on accueille toujours les stagiaires avec une présentation globale du site, de ses enjeux, de ses activités, pour mettre un peu un contexte, pour montrer qu'ils ne sont pas là comme dans n'importe quelle salle de formation. Après, on ne fait pas d'idéologie sur tout ça parce que ce n'est pas l'objet de la session de formation. Mais si on a pu les sensibiliser au moins à quelques petites choses et aussi à l'aspect culturel, hein, c'est très important pour nous. On a vu des stagiaires prendre le programme et revenir à des événements, des spectacles vivants. Donc ça, c'était une vraie réussite aussi pour nous. Et puis ce qui compte aussi, c'est le long terme, parce que là, on parle d'artisans qui sont en Meuse, en Haute-Marne, donc c'est des voisins. Donc ce qui compte, c'est qu'ils se sentent bien accueillis ici, et puis qu'ensuite, ils ont envie de revenir en famille, voir un spectacle ou assister à autre chose, quoi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Amélie Desloires, directrice d'Écureuil Pôle d'Avenir, ici à Montier-sur-Sault, dans la Meuse. Également donc directrice de fait de la plateforme de formation en éco-rénovation que nous venons de visiter avec vous. Vous êtes plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule, Amélie ? Alors plutôt coup de cœur, je voudrais citer notamment les communes. Et notamment les maires et les conseillers municipaux des villages alentours qui lancent des programmes ambitieux de rénovation en fait de leurs logements communaux, qui utilisent des matériaux nouveaux, des nouvelles techniques, qui essaient de faire appel aussi à des entreprises qui font l'effort de se former et qui permettent du coup d'accueillir des locataires dans des maisons qui ont à la fois du cachet parce qu'elles sont parfois des anciennes granges par exemple, et puis qui ont tout le confort moderne, des coûts de chauffage très réduits. Et c'est vrai que pour une commune de 100-150 habitants, porter un tel projet, c'est vraiment pas rien. Donc, chapeau. On traverse évidemment toutes et tous souvent des villages. Moi, je suis toujours frappé par les efforts que font certaines communes. Alors, pour des motivations diverses et variées, dans certaines communes disparaissent ces toiles d'araignée que sont les fils électriques. Ça impacte immédiatement le paysage urbain. Et puis en même temps, on peut être frappé par le mobilier urbain. Je pense notamment à ces lampadaires chargés d'éclairer, bien sûr, la nuit. On demande des fois d'où, ils doivent les importer de Mars, parce qu'ils ont des fois un design très curieux. Est-ce qu'on peut imaginer, Amélie-des-Loires, que même la plateforme d'éco-rénovation puisse servir à une approche esthétique globale ? Alors ça pourrait être un jour un sujet de diversification. Après, il existe dans le Grand Est des plateformes spécialisées dans l'éclairage. Pour l'instant, nous, on n'adresse pas ces problématiques, quoi. Alors ma question était plus vaste que ça. Une maison rénovée de manière écologique, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, en tout cas où le propriétaire fait très attention au maintien de son patrimoine, si tout autour le maire ou la mairesse n'en tient compte, finalement c'est pas très intéressant, ou en tout cas ça n'impacte pas le village. Est-ce qu'on peut imaginer que ici ou ailleurs, vous le savez peut-être, il y a déjà des approches beaucoup plus globales, beaucoup plus communales ? Je suis pas au courant d'initiatives de ce genre pour l'instant, mais voilà, c'est à monter. Et puis, Amélie Desloires, j'ai cru comprendre qu'était en train de se constituer, ou venait de se constituer, un cercle de rénovation du bâti ancien. Oui, en fait, c'est la Dréal qui est à l'origine de ce projet et qui a réussi à fédérer un grand nombre d'acteurs à la fois privés, institutionnels, organismes de formation, en se disant que le bâti ancien mérite un rassemblement des compétences et faire un peu une effervescence d'idées, etc. Et donc le cercle s'est constitué il y a très peu de temps et il y a eu plusieurs ateliers qui ont été figés avec des responsables, etc. Et le 27 juin, en fait, on accueille ce cercle à Écureuil pour une première journée de réflexion avec une matinée de travail et puis une après-midi de découverte du site et de la plateforme. Pas de coup de gueule, Amélie Desloires, alors qu'on n'est pas très très loin ici du projet de poubelle nucléaire de Bure. On termine forcément là-dessus parce que la question que je voulais vous poser aussi, est-ce que lorsqu'on habite en Meuse, ce projet est omniprésent dans l'esprit des gens ou est-ce qu'on finit par se résigner? Là aussi, je ne parlerai pas au nom des gens, hein, c'est à chacun de s'exprimer. En tout cas, je pense qu'il est forcément dans l'esprit des gens, mais qu'on n'est pas obnubilé non plus par ça et qu'on essaye de faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Écureuil Pôle d'Avenir pour les mois, les années à venir, Amélie Desloires? Eh bien, de maintenir le rythme, je dirais, de continuer à fédérer, surtout de continuer à être un carrefour, puisqu'on a la chance ici de pouvoir accueillir des gens de tous horizons, de toute opinion. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de réflexion. Donc surtout que ça continue. Voilà. Et puis ensuite, que ça crée aussi un maximum d'activités économiques. Je crois que c'est fondamental. On parlait des emplois tout à l'heure. On sait maintenant qu'on a créé des emplois en direct sur le site. On sait aussi qu'en emploi indirect, on contribue à faire vivre d'autres hébergements, des restaurateurs, des commerces. Donc ça, c'est vraiment très important. Merci Amélie Desloires. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Écureuil Pôle d'Avenir à Montier-sur-Saulx dans la Meuse. Pour en savoir plus sur la plateforme Déco-Rénovation et Déco-Construction que vous abritez, participez à des formations ou plus généralement découvrir l'ensemble du site d'Écureuil Pôle d'Avenir, rendez-vous sur www.écureuilpoledavenir.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre La Pyramide par le groupe spécialiste des reprises de chansons des Compagnons du Devoir et du Tour de France, le Devoirs Band paru sur l'album Entre Ciel et Terre sorti en 2013, Chaka Hector par le groupe québécois Les Cowboys Fringants paru sur l'album Motel Capri sorti en 2000, et enfin J'ai ma maison par les Compagnons de la Chanson sur une musique d'Hubert Giraud et les paroles d'Eddie Marnay sorti en 1974. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.